nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'est moi qui ai enfanté le rail. J'en suis la doyenne. Cette musique est implantée dans mon corps, dans ma tête, disait Shira Rimiti. La reine incontestée du rail est morte à Paris le lundi 15 mai 2006, victime à 83 ans d'une crise cardiaque. Le samedi précédent, elle était encore en concert sur la scène du Zénith, entourée des chèbes, de la vogue du rail mondialisé des années 80, ceux-là même qui, l'ayant beaucoup admirée, l'auront souvent copiée et parfois pillée sans vergogne. Leur succès contribuera cependant à relancer la carrière de Rimiti et à la faire connaître bien au-delà de l'Algérie et de son Oranie natale. Ne sachant ni lire ni écrire, elle est l'auteur d'un nombre incalculable de chansons dont bon nombre sont de véritables tubes. « Je chante tout ce qui m'inspire, les mots me piquent comme des abeilles. » Elle chantait l'amour dans ce qu'il a de plus charnel, de plus sexuel. Elle chantait la passion, l'ivresse, la vie dans ce qu'elle a de plus dur et de plus fort. De sa voix rauque, elle chantait les mots qui savaient toucher le cœur et l'âme du peuple algérien, mais sonnaient mal aux oreilles de certains. Elle préféra quitter l'Algérie pour la France au début des années 70. À la question « Pour chanter vrai, faut-il connaître la misère ?», elle répondait « Oui, il faut l'avoir vécu pour l'exprimer. La souffrance, ça se ressent. Ça ne peut pas s'inventer. La misère est une bonne école. C'est elle qui m'a inspirée, qui m'a donné la force de devenir musicienne. » En 2000, Marie-Hélène Bernard consacrait un atelier de la création à Shira Rimiti. ACR, Atelier de création radiophonique. Shira Rimiti, L'étoile bédouine, par Marie-Hélène Bernard. Shira Rimiti, L'étoile bédouine, par Marie-Hélène Bernard, avec Shira Rimiti et Rabba Ben Dakoum, Adja Gelil, Rabba Mezouane, Mohamed Seba, Marie Virol. Voix, Salima Keloufi. Traduction, Mohamed Zawi. Traitement sonore, Marie-Hélène Bernard et Thomas Duterre. Documentation INA, Arnaud Touvron. Shira Rimiti, aux sources du rail, Institut du monde arabe, Noir. Collaboration, Stéphane Maugendre et Toufik Benachouche. Mohamed El Mouagir, fragment 75, par Daniel Coe et Claude Jonner, Andrew Orr. Avec Daman El Arachi, Mohamed Gerari, Aki Yayaten. Barbès, Serfi, Ronde de police. Concert de musique arabe à La Resserre, avril 1974. Groupe de réalisation, Janine Antoine, Daniel Bizien, Jean-Claude Aimé, Jean-Michel Gaudin, Michel Mestre, Célia Dufour, Thomas Duterre. Shira Rimiti, L'étoile bédouine, suivi de Mohamed El Mouagir, fragment 75. Shira Rimiti, L'étoile bédouine, par Marie-Hélène Bernard. Shira Rimiti, quelle femme. C'est la doyenne. Quelle femme. C'était la grande vedette de la maison Pathé Marconi. Personne ne pouvait la voir. C'était vraiment le grand mythe. Rimiti, Rimiti pour moi, c'est une étoile. toujours, c'est elle la reine. C'est pas Zemania, c'est pas Fadela, c'est Rimiti. C'est la reine du film. Oui. Avant tout le monde, mais elle passait pas sur les ondes, elle était censurée. Il ne se passait pas une fête sans Rimiti. Rien ne se passait à l'ouest sans Shekhar Rimiti. Yanahak, money man, Madri Air, Madri Dabri, Sidi Talib, Raikum, Lakamer, Middukhul Nes Farj, Ubaish Farj, Farj Alunia Ta'rimi Tuyum Fain, Shuru Mazimma, Ligari Dukhul Nes Silim. Sheikha Rimiti, L'Etoile, Bedouin. Rimiti, pour moi, c'est l'étoile de la RAI. Pour moi, c'est une étoile. Il y a des chanteurs qui sont... Presque tous les chanteurs qui chantent après Rimiti, ils prennent les chansons de Rimiti, les anciens, et le renouveler pour faire quelque chose de nouveau. Mais ils prennent toujours des anciens pour faire le nouveau. Il n'y a pas de nouveau dans la RAI. Il n'y a pas de nouveau dans la RAI. C'est lui qui l'a dit. Il a du nouveau qui vient me voir. Il n'y a pas de nouveau dans l'oreille. Il faut vraiment, vraiment, vraiment lui rendre honneur, parce que je trouve que malheureusement, on n'a pas assez parlé d'elle. Moi, je trouve qu'elle a été à la base de ce côté provoque, de ce côté... il faut vraiment, vraiment lui faire honneur. Hein. Cheikh Rimiti, c'est vraiment quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un. Double al Rimiti. Pourquoi? Alors, double al Rimiti. Il n'y a pas de Rimiti. Il n'y a qu'un Rimiti Zouj. Oui. La grande. Qui dit au Mabir du Rai. Un al Lioulet du Rai. C'est moi qui ai fait naissance du Rai. Moi, jeune, je travaillais à l'âge de 20 ans. J'ai commencé à chanter. Moi, j'ai semé les grains et les autres ont volé ce blé. غزال من الصحراء وتمر من النخلة تمر من النخلة الغزال من الصحراء هي هي هي هي هي هي هي هي هي نغرس الكرمة ونسقيها بالماء ياي ياي ياي ياي خدموا بلادكم ربي اللي عاونكم الجزائر ليكم حرة وطنية ياي ياي ياي ياي ياي ياي الصحراء وعجبها تمرة هي بغات الصحراء وعجبها تمرة إيه إيه وهي بغات الصحراء وركوب الجملة هي بغات الصحراء وركوب الجملة إف إف إف إف إف إف الصحراء وركوب الجملة هي بغات الصحراء وعجبها التمرة إيه إيه إيه إيه إيه إيه نايم في نهار يكونون بشار غير النخلة والغزال ومع طريق الصحراء في مطلقة هي بغات الصحراء ودور الجملة هي بغات الصحراء وركوب الجملة إب إب إب إب إب إب Déjà, c'est tout un programme, puisque c'est le fameux Remettez une tournée, hein, dont elle raconte que ça lui a été donné dans les années 40, dans une fête dans l'Ouest, dans une cantina, donc une buvette où elle avait demandé une tournée, Remettez, et donc on l'a surnommée Remiti, Remiti, la chanteuse Remiti. Et puis Relizania, parce qu'elle était à Relizane très longuement, donc de Relizane. Moi, je m'habille arabe et je chante bédoui rural. Je chante l'amour, la misère, les gens qui sont humiliés. Il faut que je colore pour vendre ma marchandise. Je ne peux pas chanter comme ça. Que la religion de sa mère soit maudite, comme hier ton figurine. Déchire et déchiquette, que la religion de sa mère soit maudite, comme hier ton figurine. Tout dans son burnet, déchire comme hier au lit. Déchiquette, Rémiti, recolle et mentir. Déchire et déchiquette, Rémiti, remets tout en place. Remets tout en place. Déchire, déchire, déchiquette et Rémiti, recolle les morceaux. Déchire et déchiquette, que la religion de sa mère soit maudite. Marie Virole. Rémiti porte toujours sur scène des robes à paillettes, des lamets, des dentelles. Elle lâche sa chevelure qu'elle a encore fort belle à son âge sur ses épaules. Elle porte des bijoux. Mais par exemple, elle adore faire en scène le salut militaire, le garde à vous. Les chirettes dont elle est ont comme ça dans leur comportement, dans leur voix, dans leur posture, un côté, je dirais, masculin. Elles ont une vie et des comportements d'hommes, c'est-à-dire qu'elles se déplacent beaucoup, n'ont pas de maison, n'ont pas à proprement parler de famille au sens classique, bien que beaucoup d'entre elles, et Cheikh Remiti entre autres, aient été mariées, mais d'une certaine façon, hein, elles ont comme ça utilisé les apparences masculines, tout en conservant bien sûr aussi une féminité apparente et même ostentatoire parfois. Donc pour pouvoir au fond aller toucher le plus profond de l'être humain, qu'il soit homme ou femme, et peut-être aussi ce qu'il y a de masculin en la femme, ce qu'il y a de féminin en l'homme. Rabat Mezouane. Je crois, elle me rappelle un peu Piaf, sur scène elle est transfigurée, c'est quelqu'un d'autre. Plus elle est toujours souriante. Et c'est vrai que c'est une énergie rare. Hein. Déjà, elle a une démarche un peu de fière bédouine qu'elle est. Elle saute, elle gémit. C'est avec Nina Hagen, elle n'a rien inventé. Hein. Et elle communique très bien avec le public. Elle se marre des fois, elle improvise des choses. À un moment, elle dit à l'adresse du public que l'œil noir ramène le malheur et l'œil bleu ramène les papiers. Donc c'est une allusion des fois à l'actualité, parce que les chansons, elles ne chantent pas forcément de la même manière. Chaque année, elle peut rajouter des phrases comme ça qui sont directement liées à la réalité du moment. Elle a l'esprit festif aussi, c'est très important. Ça, c'est hérité aussi de ces longues veillées où jusqu'au petit matin, on festoie. Donc il y a ces réflexes qui restent. Des fois, 20 heures d'affilée, pouvait tenir et pouvait faire la fête pendant 20 heures et sans que cela se ressente sur son visage. Ou... Ça, c'est assez exceptionnel. Ouais. Il faut vraiment être bédouin pour arriver à ça. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je ne sais pas si je suis en train de نجم ندريكسيون للغنيات نجم نفوتهم ندير لهم اللحن Moi je suis comme un chauffeur. Je connais ma direction. Hadja Galil. Elle faisait les paroles et la musique. Ah oui, elle est auteure et compositeur chez Kharimiti. Ah oui, oui. Oui, elle travaille avec son mari. Son mari, c'était lui qui était son chef d'orchestre. Cheikh Nems, qui est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et elle travaillait avec lui. C'était lui qui jouait la flûte. Et elle n'a jamais été à l'école. Elle a eu un grand don de Dieu. Elle a fait un rêve. Elle a rêvé qu'on lui avait donné. Elle a rêvé dans son rêve, elle avait rêvé un pain. On l'a coupé en deux, on lui a dit, on te donne la moitié et la prochaine fois, on te donnera l'autre moitié. Et quand elle s'est réveillée, elle a tout fait pour avoir l'autre moitié. Elle a voulu être droite dans la vie, elle a voulu toujours faire tous les vœux, toutes les bonnes choses, les bonnes actions. Et elle était toujours à la recherche de l'autre moitié. Je pense qu'elle a eu l'autre moitié parce qu'elle a vécu une gloire terrible. Chalik Qatta, ça veut dire déchire la serre, qui s'attaquait un peu au tabou de la virginité, ce qui était assez fort en thème pour l'époque. Et pratiquement, c'est la première chanson qui a eu un retentissement au niveau national. Parce que jusque-là, Rimiti ne dépassait pas quand même les frontières régionales. À part une chanson, je me rappelle, un peu patriotique, dans les années 60, où elle faisait l'éloge de l'émir Abdelkader, et puis disait sa joie d'une Algérie indépendante, qui a eu un certain écho. Le reste de ses titres, c'est vrai, ça restait quand même, ça s'écoutait confidentiellement. Mais ce n'était pas la star, puisqu'elle n'avait pas d'apparition publique. Je me rappelle que le premier journal algérien qui avait daigné en parler, c'était Algérie Actualité. C'est la première interview parue de Cheikh Harimiti. Il fallait le faire dans les années 80. Jusqu'à aujourd'hui, hein, seulement en 2000, que je sache, il n'y a pas eu de concert public de Harimiti en Algérie. Et il n'y en a du reste pratiquement jamais eu en Algérie. Je pense qu'elle a par contre quelques cassettes qui sont disponibles dans le commerce. Mais en dehors de cela, non. Et elle n'a pas droit de citer. Elle n'a toujours pas droit de citer. Elle n'est pas diffusée ni à la télé, ni à la radio. Et je pense que Rimiti, depuis les années 80, pratiquement, elle fait l'essentiel de sa carrière en France et en Europe. Hein, parce qu'elle et dans beaucoup. Le monde, même. Et dans le monde, oui. Puisque récemment, elle a été à Bruxelles, était à Londres, et il y a peu de cela. Et semble-t-il, il y aura un grand concert à venir, soit à l'Olympia ou dans un autre lieu parisien. Quand est-ce que chez Harimiti, il y a un magazine ou un magazine? Zénith? Il y a un salam de Namur Sala Wahdi. S'il me programme au Zénith toute seule, je vais remplir la salle. Est-ce que petite, vous saviez déjà que vous seriez chanteuse comme ça, que vous auriez cette vie-là? Oui, je pensais. La nuit, avant de dormir, je me dis que Dieu va me donner quelque chose. Et les choses sont venues. Shiha Remiti dit que l'inspiration lui vient la nuit, c'est comme des abeilles qui lui piquent la tête, etc. Donc, elle est une poétesse inspirée dans la grande tradition des grands poètes maghrébins, qui la plupart du temps sont des hommes, hein, je dirais même quasi totalement des hommes. Elle est une des exceptions. Je chante les chansons de 60 ans. Pourquoi il y a une fabrique dans ma tête? Je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire, mais mon Dieu m'a donné un savoir. La chanson de la camelle, par exemple, elle était en voiture, c'est vrai. Elle rentrait, elle allait à Arzeu et elle a vu les palmiers de chaque côté et puis... Et elle a commencé à dire, mais Rzé ou Shabba ou Tabaha hadak nkhal. Arzeu est belle. Et puis les palmiers de chaque côté l'embellit encore plus. La camelle, parce que c'est une société de pétrole qui est là-bas qui s'appelle la camelle. Et toute seule, elle a chanté comme ça dans la voiture. C'est comme ça, et c'est ce qui a été la fameuse chanson qui a été reprise par Khaled. Très belle chanson, avec une très belle musique. Ils construisent des châteaux, ils ont des voitures avec les paroles de Rimiti. Moi, je suis vieille et je travaille pour mes enfants orphelins. Quoi qu'ils ont vu le succès que j'ai eu, c'est-à-dire les chanteurs, ils ont piqué mes chansons. S'ils m'ont demandé l'autorisation, je leur donne. Je peux vous citer les noms des chanteurs qui ont repris mes chansons. Vous écoutez. Zahouania, Khaled. Jania en Algérie. Ils ont nommé une jeune fille Rimiti. Et là, son côté un peu excessif aussi, hein, parce que ce côté aigri, parce qu'elle en a bavé. Un peu le côté de se méfier un peu de tout le monde et de personne, ça elle l'a gardé. Mais c'est quelqu'un qui dit les choses comme elle les pense, quoi. Sinon, en même temps, elle a ce côté gay, c'est pas quelqu'un de triste, Rimiti. Hein. Elle a 77 ans, elle a vraiment bon pied, bon œil. Elle aime beaucoup marcher quand elle a des rendez-vous, souvent dans le 18e. C'est incroyable, avec cette énergie qui lui est propre. Non, mais quand elle venait à la maison, à Oran, Rimetti. Ah oui, elle venait à la maison, on allait chez elle, elle venait chez nous, et puis elle venait le matin, elle est matinale, hein, pour une artiste, et elle nous trouvait endormis, quoi. Et puis alors elle nous chantait la chanson, le bonheur c'est la femme, là c'est la femme, allez réveillez-vous, c'est la femme qui fait tout, c'est le bonheur, c'est toujours la femme. Voilà. J'ai honte de chanter parce qu'elle la chante très bien. C'était bien de travailler comme ça. Oui, en chanson comme ça. Tout le monde voulait la voir. Elle se dévoilait pas, par exemple. Elle mettait toujours un foulard devant les yeux. Quand elle chantait, sauf avec les femmes. Elle, oui. Mais quand c'était une grande manifestation, je sais qu'elle faisait tous les ans une offrande à un marabout parce qu'elle avait fait un rêve et qu'elle avait réussi. Ben, elle chantait devant les hommes, mais avec le visage couvert. Elle ne se montrait jamais. Hein. Elle a changé, elle est en France maintenant. Elle, ça va. Money, money, money, money, money, money, money, money, money. Le bien est femme et le mal est femme. Certaines femmes valent sans une chamelle. Certaines traînent le bien dans leur sillage. Certaines ramènent la prospérité. D'autres la chasse à coups de bâton. La grâce matinée ne mène à rien. Ouvre la porte, va gagner ta vie. Moi, j'aime pas l'humiliation. C'est moi qui commande. Il n'y a pas de français, mais il a tête, il pense. Je ne sais pas le français, mais je ne sais pas tout. Je sais ce que je veux, je sais ce. Moi, je ne connais pas le français, mais je suis aussi une tête pensante. Je sais qui me fait du bien et qui me fait du mal. Pour mon honneur, les gens m'aiment. Moi, je ne vais pas à gauche et après à droite. Je suis réglo. Je pense tout seul, je travaille tout seul, j'enregistre tout seul. Je n'aime pas les gens qui me gouvernent. Je me commande tout seul, je suis le chef. J'en ai marre, ça suffit. Elle cherche la petite bête tous les jours, elle râle, elle cherche la petite bête, j'en peux plus, j'accepte tout sauf l'humiliation. J'en ai marre, ça suffit, elle cherche la petite bête tous les jours, elle râle, elle cherche la petite bête, j'en peux plus, j'en ai marre, pourquoi je suis solitaire? Suffit, elle cherche la petite bête tous les jours, elle râle, elle cherche la petite bête, j'en ai marre, pourquoi je suis solitaire? Les yeux voilés, les sourcils font des merveilles. Pour lui, j'ai quitté mon mari, j'en ai marre, ça suffit. Et je veux aller à Montpellier, j'accepte tout sauf l'humiliation. J'en ai marre, ça suffit, elle cherche la petite bête tous les jours, elle râle, elle cherche la petite bête, j'en peux plus. J'accepte tout sauf l'humiliation. l'ai aimé, il m'a aimé, et pour lui j'ai quitté mon mari. J'en ai marre, ça suffit, et je veux aller à Montpellier. J'en ai marre, ça suffit. Elle cherche la petite bête, tous les jours elle râle. Et elle cherche la petite bête, j'en peux plus. J'accepte tout sauf l'humiliation. J'en ai marre, pourquoi je les sourcils font des merveilles. J'en ai marre. L'humilité, c'est l'exemple type un peu de la self-made woman. Parce qu'elle a été orpheline à 20 ans, donc... Elle a erré beaucoup et elle s'est battue par ses propres moyens, donc artistiques en l'occurrence, dans une société quand même pas toujours facile, c'est un euphémisme. Et des fois il faut prendre des initiatives et prendre un peu son destin en main au lieu de s'apitoyer sur son sort. C'est un peu le message qui est délivré, un peu la philosophie de... sa musique en général. C'est un personnage spontané, nature, instinctif. Et puis, je crois qui comprend bien les gens. Dommage, mais je ne sais rien. Dommage, je suis analphabète. J'ai vécu dans un milieu de misère. Je n'étais pas scolarisé. Si j'étais scolarisé, peut-être je serais autre chose. Où j'étais? Je travaillais chez une femme mariée à un capitaine de l'armée française. J'étais femme de ménage. Il y a plus de 60 ans, il y avait la guerre. كنت صغيرة نسمع العروسات هاك ونسمع بصح انا نشوف روحي ونشوف راسي روحي كيفاش نتعلم تعلمت روحي انا سيستي ا دي مارياج مي جي ابري سول بكري ما كانش طاكسيات ما كانش ميكروات با دي تاكسي يافي با ميكرو يافي با ديليكتريسيتي ماري بوزا كانت ماري بوزا دير الزيت هارو ساكن بك نتوما شاشتو حنا اللي شنا الغبينا كاسكو زالي فيفو. Vous n'avez rien vu. Ah non, c'est sûr que j'ai pas vu une vie. Surtout gaz, surtout côtelette, surtout. Vous avez trouvé gaz, vous avez trouvé beefsteak. Ah, ou l'âge le maqda soualah. Ou l'âge le maqda soualah, mizan khfif mertib. Ou l'ray l'aykun salah moulahi sarf al-dhib. والكلام إلا يكون طايح ما هوش لولاد تنسب هايا جاني مار بركاني وجاني مار بركاني C'était honteux un peu d'écouter Limiti quand on ne s'en vantait pas. Bon, il y avait toujours un parfum de scandale qui entourait ses chansons. Donc Limiti, ça ne s'écoutait pas en famille, c'est un peu pestiféré. Mais les adultes, surtout pour l'époque, se régalaient en douce ces petits mots coquins. En quelque sorte, elle disait tout haut ce que certains murmurent ou pensent tout bas. Ouais. Que les nouvelles générations, quand ils la redécouvriront, il y aura moins de tabous sans doute, que celle d'avant. Quoi. Puis moins de complexes. Et puis les jeunes maintenant bon, sont moins choqués qu'avant. Ils ont la parabole. C'est des enfants de la parabole, donc ce ne sont pas des textes qui les gênent. Alala et Degdegni, Alala et Chawotni, Anbri Bibi, Wal Makrota Filasila, Yalala et Raoudni, Yalala et Sharabni, Yalala et Hawalni, Yalala et Ragadni. Alors, tout ça, ça donne, dans ma traduction, il me broie, il me fait griller, il me fait saliver comme les macroutes dans le miel, il me sollicite, il m'abreuve, il me tente, il me berce, il me caresse le dos et le sommeil devient doux, il me chatouille, il me pilonne, il me fait flamber et je lui pardonne, il me séduit, il me tente, il me lutine, ah, ah, ah, viens nager, si nous mourons, tant pis, il me secoue, il me gratouille, je ne suis ni malade ni bien, il me presse, il m'étreint, il me serre, il me, et la belle fait gagner, à peine sortie, je l'ai retrouvée, il m'attise, il me becquette, je l'enlace de mes bras, j'ai peur qu'il ne s'en sauve, il me fait boire, il m'enivre. Deux nuits et deux jours, et ses genoux ne se sont pas calmés, il me fouette, il me bleuille, il m'aguiche, il me pile, lui et moi dans la couche sommes comme endiablés, il me secoue, me rend malade, il me broie, ah, ah, ah, pauvre de moi, il me gratouille, il m'enjole, donne-moi la liqueur de ta molaire, il me chavire, il me tente, on défraie la chronique, c'est trop, il me frotte, m'inonde, me fait boire, je dis je pars et je passe la nuit, aïe, aïe, aïe, malheur à moi, j'ai pris de mauvaises habitudes, il me broie, il m'abreuve, il me saoule, il me titille, il me fait bleuir. Ah, touche, il retouche. À droite, à gauche. Touche, mami, touche. Touche, touche, touche. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Allô, là, n'smah lek, wza, wja, là. Tout droit, tout droit, tout droit. Ah la la la la la la la la la. Touche, chérie, touche, touche, mamie, touche. L'amour entre les deux yeux et chez les gens avisés. Touche, chérie, touche, touche, mamie, touche. Allô, là, s'mah le kéo, zéo, j'allais. Aïe, touche, chérie, touche. Barra, wallah, bel hanche. Touche, chérie, touche. Touche mami, touche, touche chérie, touche. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Dernier le wahda hachia, ou عند le bouchtan. D'accord, mais touche pas, monsieur. Attention. Ah la la la la la la la la la. Dorini, me coucher seul me fait mal. Kadi Wahdi, me coucher seul et Dorini me fait mal. Mon compagnon est près de moi et les démons me possèdent. J'aime que mon bien-aimé me rende visite chaque après-midi. Kadi Wahdi et Dorini. Entre le « Éclate-toi, jeune fille, fais la fête », etc. Ou un autre titre où elle dit « Elle aime Paris, elle aime les cabarets, les voyages, les avions, les taxis, le whisky, etc. » C'est une forme un peu d'incitation à la rébellion, en quelque sorte. Hein. mais salutaire dans son esprit. C'est une enfant de la terre, comme on dit. Elle réagit à l'instinct, donc elle n'a pas de problème de conscience. Bon, c'est vrai qu'elle ne boit plus d'alcool depuis longtemps, elle ne fume plus. Qu'elle a fait le pèlerinage à la Mecque, on peut être bon musulman et puis chanter aussi les choses de la vie. كفايتي قدم لكم شيخ الرميتي الحقانيه القديمه تحيا الجزائر Elle est originaire d'une tribu bédouine, les Charguis, une tribu berbère arabisée d'ailleurs. Et elle chante souvent d'ailleurs la transhumance. Elle a pris des thèmes sur les nomades. Elle glorifie souvent toute cette région des steppes et des sables. Oui, elle y fait souvent mention et référence. Oui. Ah oui, elle en est fière. C'est une revendication même, à la limite. Oh, mère, celui qui court après la beauté, voilà ce qui lui arrivera. Il mourra, ou il en paiera le prix. Saïda est loin, le train est cher. L'amour en sourcelle, Ah, la Mariola. Saïda est loin. Saïda est loin et le train est cher. Ah, il m'a le jour de la haine. Celui qui court après la beauté, voilà ce qui lui arrive. Il mourra ou il en paiera le prix. Quel loin. Le train est cher. Ah, il est loin et le train est cher. Ah, les pigeons. Ah, il m'a le jour de l'eau. Celui qui court après la beauté, voilà ce qui lui arrive. Il mourra ou il en paiera le prix. Ah, les pigeons, ma joie de haine. Lui né dans la main et le tissu tout neuf. De l'hôtel. Oui, c'est le côté nomade, effectivement, bédouin, encore une fois, qui ressort. Je lui avais dit une fois, Hadja, mais pourquoi tu ne prends pas un petit studio et tout. C'était en plein hiver, puis je suis allé la voir dans sa chambre, rez-de-chaussée, c'était humide, elle toussait. Mais je lui ai dit, attends, tu vas crever dans cette piole qu'elle tient depuis plus de 20 ans maintenant. Mais elle m'a expliqué que c'est un peu sa vie là-dedans. Et puis, les gens de l'hôtel, ils sont adorables avec elle. Ils lui passent ses communications. En même temps, ils se font ses secrétaires, ils lui traduisent. Elle reçoit les gens, ils sont entourés. Et puis, il y a toujours cette crainte, notamment chez les Africains en général. Je pense, habiter tout seul... Ils ne sont pas habitués à vivre seuls. Ils sont toujours entourés. Donc il y a un côté un peu qui réconforte, qui rassure, sécurisant. Et une espèce de cocon. Donc d'où cette, on va dire, cette obstination à résider toujours dans ce petit hôtel du 18e. Mmh. La camelle. Je vous les brasse, Rida. بعيدة بعيدة والمشينا غالية نغدى لسعيدة يا جبال قرطاس الله الله الله يا ونغدى لسعيدة جبال قرطاس ونصيدو يا حمامات الغراس الميمة ويا ندير مريرة مجبل ويا تهود حتى الخيمة الماريولة الميمة ويا ونهار العيد المشوية كجديد ورابطة يا الحنا في الليد الميمة ويا الحنا في الليد Noir, c'est une nouvelle chanson qui était pensée, je l'ai chantée. Mars avec mois de mars. Mars chassé. Avril. Avril. Il fait pleurer l'enfant. Avril, il fait fatiguer les gens qui marchent. Avril. نشاف الماء في البير l'enfant il pleure pour le lait le pain صغير شير صغير يبكي على بزولته مو يبكي على الخبز شيخ حريمتي l'étoile bédouine par Marie-Hélène Bernard avec شيخ حريمتي et Rabba Bendakoum, Adja Gelil, Rabba Mezouane, Mohamed Seba, Marie Virol. Voix, Salima Keloufi. Traduction, Mohamed Zawi. Traitement sonore, Marie-Hélène Bernard et Thomas Duterte. Documentation INA, Arnaud Touvron. Cheikh Halimiti, au Sources du Rail, Institut du Monde Arabe, Noir. Collaboration, Stéphane Maugendre et Toufik Benachouche. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 14 mai 2000. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. فإن عبدتها فلا إشراك بالله لأنني فيها أنا أعبد الله وأقول لها إنني ما زلت أهواها قولوا لها إنني ما زلت أهواها مهما يطول النهار